Le soleil vient de se lever. Encore un attentat signé. L'arabe qui te fait dégueuler. L'ami picoré. Il casse les couilles partout tout le temps. Avec sa lune et son croissant. Personne n'en a rien à branler. Si tu te fais gazer. Il choisit toujours la bonne heure. Pour chasser des passants au cœur. L'ami du petit déjeuner. L'ami picoré.